بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture de cet écrit du Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى concernant les règles de la prière du Eid. On est arrivé à la parole du Cheikh lorsqu'il dit صفات التكبير في العيد ووقته. La description du takbir lors du Eid ainsi que sa description. Ici, j'attire votre attention, chers frères, sur le takbir. Le takbir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire Allahu Akbar. Et vous constatez que lors du jour du Eid, les musulmans vont souvent prononcer ce mot, Allahu Akbar. Ce mot qui aujourd'hui a été sali par les terroristes. En réalité, les terroristes n'ont pas sali que ce mot. Ils n'ont pas sali que ce mot, ils ont sali l'islam. Mais parmi les autres mots importants de l'islam qu'ils ont sali, ils ont sali le mot djihad. Le mot djihad est un mot tellement beau, qui a un sens tellement important, qu'il est inacceptable qu'on laisse les médias appeler des terroristes djihadistes. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas du tout djihadistes. Et il n'est pas convenable que nous, les musulmans, on participe à cela. Lorsqu'on voit des gens qui sont des terroristes et qu'on les appelle djihadistes. Parce que ce qu'ils font n'est pas le djihad. Ce qu'ils font n'est pas le djihad. Il y a des conditions, énormément de conditions et de règles du djihad qui ne sont pas respectées. Et donc ce qu'ils font n'est pas le djihad, ce qu'ils font c'est du terrorisme, tout simplement. Il faut appeler un chien, il faut appeler un chat. Aussi, barakallahu fikoum, parmi les sens du mot djihad, il y a le prêche. Le fait que tu t'efforces de pousser les gens à l'islam, d'appeler les gens à l'islam, le fait que tu t'efforces d'appeler les gens à la sunna, ça s'appelle aussi du djihad. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala, il dit à son prophète, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Et donc, et combattait avec celui-ci, et donc ici le mot djihad, et il a dit d'un grand djihad, avec celui-ci, avec quoi? Avec quoi les frères? وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Avec celui-ci, c'est-à-dire avec le Coran. Et donc ici, combat-les. Tu vas combattre les ambiguïtés des polythéistes. Tu vas combattre les ambiguïtés de Ahl al-Bida'. Tu vas combattre les ambiguïtés des Hizbiyyin. Tu vas combattre les ambiguïtés de toutes les déviances. En te basant sur quoi? Kitabullahi tabaraka wa ta'ala. Wa jahidhum bihi. Jihadan kebira. Et c'est pour cela que les gens de science, ils ont appelé ce travail-là, le fait d'appeler les gens à la sunna. Ils ont appelé ce travail, ils l'ont appelé El Jihad ou le Kébir, le grand djihad. Le grand djihad. Et donc ce n'est pas possible que le musulman qui est sur la vérité, et il participe à cela, au fait de salir ce mot, et qu'on laisse les gens, donc, prétendre que de tels actes fassent partie de l'islam ou de ce à quoi Allah tabaraka wa ta'ala a appelé les musulmans et qu'on appelle des terroristes en utilisant le mot djihadiste. Et donc concernant le mot Allahu Akbar, aujourd'hui qui fait peur à des musulmans, à des non-musulmans, excusez-moi. Les gens ils ont peur en entendant cette parole alors qu'elle est tellement belle. Ou alors parfois on va trouver des jeunes qui vont se moquer des musulmans en utilisant cette parole. Parfois, ça m'est arrivé de marcher sur la route et de voir des jeunes non-musulmans en groupe qui nous voient et donc ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar exprès pour se moquer et donc mais qu'est-ce qu'ils veulent par là? C'est le fait que Allahu Akbar est affilié au terrorisme et donc lorsqu'ils te voient toi en camis avec ta barbe, ils t'affilient au terrorisme. Quel est le sens de cette parole que les musulmans vont prononcer pendant ce jour, pendant le jour du Eid? Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Et donc Allahu, donc ce qui est voulu ici, c'est Allahu Akbar min kulli shay. Allah est plus grand, est plus immense que toute chose. Peu importe ce que tu imagines, ce que tu connais, Allah est plus grand que cela. Et donc lorsque tu prononces cette phrase-là, tu affirmes que Allah, tabaraka wa ta'ala, est le seul à mériter l'adoration. Lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il réplique aux ambiguïtés des polythéistes et il montre qu'il est le seul à mériter l'adoration, après cela il dit « Dhalika bi anna Allah huwa al-aliyu al-kibir » Cela parce que Allah est le Très-Haut, al-Ali al-Kibir, le Grand. Et donc il est al-Ali al-Kibir, celui qui est au-dessus de ses créatures, celui qui est le plus grand et donc le seul à mériter l'adoration. Le seul à mériter l'adoration. À partir du moment où tu t'adresses à des polythéistes, des chrétiens, tu leur demandes, est-ce que la divinité que vous adorez est plus grande que les montagnes, est plus grande que la terre, est plus grande que le soleil, est plus grande? Est-ce que la divinité que vous adorez est plus grande que tout cela? C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous appelle à méditer sur ses créatures, il va souvent citer des exemples avec ses grandes créatures. Et donc il va nous montrer الشمس والقمر فلا تسجدوا للشمس والقمر. Ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune. Les deux plus grands signes. Le grand signe de la journée et le grand signe de la nuit. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et donc, lorsque tu t'adresses au polythéiste, parmi les arguments que tu peux utiliser, c'est le fait que dans tous les cas, leur divinité n'est pas la plus grande chose qu'ils connaissent. Comment est-ce que tu peux adorer une divinité qui n'est pas la plus grande chose que tu connais? Ceci est contradictoire. Et donc ceci montre déjà la faiblesse de ta propre divinité. Et donc lorsque le musulman, durant ce jour, il va prononcer cette parole, Allahu Akbar, Allahu Akbar, il affirme la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait que c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Et ça montre que le tawhid, tous ces éléments sont liés. Et donc aujourd'hui, et donc le musulman, durant ces jours, et nous sommes dans ces jours-là, les jours durant lesquels le musulman met en évidence, il montre et ne cache pas sa croyance, il montre la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne convient pas aux musulmans de se cacher, d'avoir honte de leur religion. Notamment durant ces jours durant lesquels nous sommes actuellement, chers frères, nous sommes dans des jours sacrés, les premiers jours, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et durant ces jours-là, normalement, les musulmans doivent prôner la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils vont au marché, etc., etc. Mais les gens sont gênés de prononcer ces paroles. Ils sont gênés de dire Allahu Akbar devant tout le monde. Ils sont gênés que les gens les prennent pour des fous. Parce qu'ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Est-ce que le jeune de quartier, il est gêné lorsqu'il passe en chantant son rap ou je ne sais pas quoi. Il n'est pas gêné, lui. Il n'a aucune gêne. Il y en a, ils n'ont aucune gêne. Maintenant, c'est les jeunes qui passent avec les baffes. Avant, c'était des écouteurs à notre époque. Hein. Les écouteurs, hein, au pire, c'était ceux qui passaient avec la radio avec les piles. Hein. On espère que les piles, elles s'éteignent, ou du moins qu'il n'y ait plus de piles, plus de batterie. Aujourd'hui, c'est des enceintes, carrément. C'est des enceintes. Les jeunes, ils marchent avec des enceintes. Et ils font tout le monde écouter leur musique. Et donc tu as les gens du faux qui ne sont pas gênés de montrer le faux sur lequel ils sont. Aujourd'hui tu vas voir les témoins de Jéhovah, ils ne sont pas gênés d'aller frapper aux portes des gens. Ils frappent à la porte, to, bonjour monsieur, est-ce que vous voulez parler de Jésus? Parlons de la Bible. Ils ne sont pas gênés. Il y en a d'autres qui vont se poser dans des grandes allées, etc., pour appeler les gens à leur déviance. Et les musulmans, qui qui sont ceux qui sont sur la vérité éclatante, vont être gênés de pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est dommage, encore plus dommage, c'est que certains vont se dire, on n'est pas dans un pays musulman, etc., etc., etc. Taïm, regarde-moi à Molenbeek où on est là. Il y a plus de... C'est majoritairement des musulmans, Allahu alam. Majoritairement des musulmans. Malgré ça, les musulmans, ils vont être gênés de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dans la rue. Taïm, regarde les frères qui sont gênés dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, gênés de prôner la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Pourtant, c'est ce que les compagnons faisaient. C'est la voie des compagnons. Durant ces jours sacrés dans lesquels nous sommes, ils mettaient en évidence, ils montraient et appelaient à cela, le fait de prôner la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc il dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ويسن في العيدين التكبير المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت. Et donc il fait partie de la sunna durant les deux Eid, le fait de pratiquer le takbir, donc absolu, c'est-à-dire c'est le takbir qui n'est pas lié à un moment défini. C'est un takbir qui n'est pas lié à un moment défini, que la personne peut faire à n'importe quel moment. Quand elle marche, quand elle sort de chez elle, quand elle va au marché. يَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ Allahu Akbar. Il élève la voix. Il élève la voix. Allahu Akbar. Il n'est pas gêné, il ne cache pas son din. إِلَّا الْأُنْثَى. Sauf la femme. La femme ne va pas élever sa voix lorsqu'elle va faire ce takbir. Subhanallah. Regardez la beauté de cette religion. Allah tabaraka wa ta'ala connaît la faiblesse de ses serviteurs. Il connaît la faiblesse des hommes. Et c'est que les hommes peuvent être tentés par la voix de cette femme. Et donc pour éviter cela, donc la femme ne va pas prononcer le takbir à voix haute. Elle ne va pas faire le ezan. Et même durant la prière, si l'imam fait une erreur et que les hommes ne se sont pas rendus compte de l'erreur, la femme, elle ne va pas donc dire subhanallah comme les hommes le font, mais ça sera avec les mains. Elle va taper sur les mains pour prévenir l'imam qu'il a fait une erreur. Tout cela parce que nous les hommes, nous sommes faibles. Et nous devons admettre notre faiblesse. Et souvent, certains vont tomber dans des négligences sur ce sujet. Et à force d'être négligent, tomber dans des grands péchés. Tout ça parce qu'on n'admet pas notre faiblesse. Et donc, il n'y a aucune honte à dire « je suis faible ». Il n'y a pas de honte à dire « je suis faible ». Parmi les sahabas, certains qui disaient « je me fais confiance concernant l'argent qui est dans le fonds communautaire de la communauté musulmane ». Le fonds communautaire, c'est tout l'argent qui a été réuni par rapport aux zakawat, etc., etc. Tout cet argent était réuni dans un seul endroit. Aujourd'hui, justement, les non-musulmans, ils ont pris ça chez nous. Aujourd'hui, en France ou en Europe, ça s'appelle... le fonds communautaire. Hein. Et donc ça, ils l'ont pris chez nous. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'utilisait déjà. Il y a certains livres qui ont été écrits sur ce sujet, le fait de montrer tout ce qui a été copié des musulmans et tout ce qui a été pris de la charia et qui est utilisé aujourd'hui en Europe. Et donc, les compagnons, ils disaient, je me fais confiance concernant le fonds communautaire. Mais je ne me fais pas confiance concernant une seule femme. Concernant une femme étrangère dont on me confie la responsabilité de m'occuper d'elle, je ne me fais pas confiance. À moi-même. Mais nous, aujourd'hui, ça va être l'inverse. Ah, à moi, alhamdoulilah, pieux, alhamdoulilah, j'ai pas peur pour moi. Alhamdoulilah, rabbil alamin. Et donc les frères, ils sont fous des tazkiyat, c'est des tazkiyat. Et ne reconnaissent pas leur faiblesse. Ici, même dans un acte d'adoration, Allah tabaraka wa ta'ala connaît la faiblesse de ses serviteurs. Donc même dans les actes d'adoration, nous devons prendre en compte cela. Et donc il dit le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, fala tajharu bihi. Et donc la femme, elle ne va pas prononcer le takbir à voix haute. Et c'est là que ici, les frères, nous devons nous remettre en cause. La sunna, c'est que l'homme prononce le takbir à voix haute. Et que la femme, elle le fasse à voix basse. Taïb, pourquoi est-ce que nous faisons le takbir à voix basse? Pourquoi est-ce que nous faisons comme les femmes doivent faire? Et c'est là qu'on se rappelle la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, minel mu'minina rijal. Parmi les croyants, il y a des hommes. Parmi les croyants, il y a des hommes. Et donc il continue le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit fayukabbiru fi laylatay al-Eidain. Et donc la personne, durant les deux nuits, donc des deux Eid, la personne, elle va prononcer le takbir. Wa fi kulli 'ashri dhil-Hijjah. Et durant les 10 jours de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. On y est ou on n'y est pas? On y est. Alhamdulillah. Liqaulihi ta'ala. La preuve, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Afin que vous compliétez l'idda, le jour, donc les jours manqués, c'est par rapport à quoi ça? Compléter les jours manqués, c'est quoi? Ramadan. Et donc là, on parle du Eid par rapport à Ramadan. Afin que vous complétez les jours manqués et que vous preniez la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport au fait qu'il vous a guidé. Allah tabaraka wa ta'ala t'a guidé vers l'islam, vers la vérité. N'aie donc pas honte de prôner sa grandeur tabaraka wa ta'ala. Wa yajharu bihi fil buyuti wal aswaq wal masajid wa fi kulli mawdi'in yajuzu fihi dhikrullah ta'ala. Et donc la personne, elle va prononcer cela à voix haute dans les demeures, dans les marchés, dans les mosquées, à tout endroit où il est permis de faire le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que tu ne vas pas le faire quand tu es aux toilettes. Wa yajharu bihi fil khuruj ila al musalla. La personne, lorsqu'elle sort pour aller au lieu de prière, elle va aussi prononcer ces paroles à voix haute. Lima akhrajahu ad-Dharqutni wa ghayruhu an ibn Umar. أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ولمسلم يكبرن مع الناس فهو مستحب لِمَا فِيهِ مِنْ إِذْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ. La preuve de cela est ce qu'a cité Ad-Darqutni ainsi que d'autres concernant d'après Ibn Umar radiallahu anhuma, que lorsqu'il partait pour accomplir la prière, donc lorsqu'il sortait de chez lui le jour de la rupture du jeûne ainsi que le jour du sacrifice, il prononçait le takbir à voix haute. Donc lorsqu'il se déplaçait, il prononçait le takbir à voix haute jusqu'à ce qu'il arrive au lieu de prière. Puis il prononçait le takbir jusqu'à ce que l'imam arrive. Donc lorsque tu arrives au lieu de prière le jour du Eid, tu continues le takbir jusqu'à ce que l'imam arrive. Wa fi sahih, et dans le recueil authentique, il nous était ordonné de faire participer les femmes menstruées à la prière du Eid. Et celle-ci, elle prônait la grandeur d'Allah lorsque les autres le faisaient. Ça ne veut pas dire qu'ils le faisaient ensemble. Mais elles attendaient, ils le font, elles le font après, etc. Et donc, et aussi dans la narration de Muslim, elle pratiquait le takbir avec les gens. Et donc, il est recommandé de le faire. Et ceci à cause du fait que cela met en évidence les rites de l'islam. Il a été rapporté que Omar et d'autres parmi les compagnons, ils allaient dans les marchés et prônaient la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala à voix haute. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et donc, ils n'étaient pas gênés en cela, les frères. Ils n'étaient pas gênés. Mais nous, à notre époque, nous sommes à une époque où on accorde trop d'importance au regard des gens. Le regard, qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Et on pense peu à ce que Allah voit de nous. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, dans tous les cas, il nous voit. Où que nous soyons, il nous voit, tabaraka wa ta'ala. Et donc, on pense au fait que les gens nous voient faire quelque chose, mais on ne pense pas au fait que Allah nous voit délaisser quelque chose. Il continue, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit « وَالتَّكْبِيرُ فِي عِدِ الْفِطْرِ أَكَدْ » Et le fait de prôner la grandeur d'Allah, tabaraka wa ta'ala, au jour de Eid al-Fitr, il est encore plus recommandé. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le verset qu'on a cité tout à l'heure, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَهُوَ فَهُوَ فِي هَذَا الْعِيدِ أَكَدْ. Et donc cela est plus recommandé encore dans, durant ce Eid-là. لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِهِ. Car Allah l'a ordonné. Et en réalité, il n'y a pas de preuve par rapport à cet argument. Le fait que c'est plus recommandé durant le jour, durant le Eid de la rupture, tout simplement parce que la Sunna, elle a montré qu'on le fait durant les deux Eids. La Sunna, elle a montré qu'on le fait durant les deux Eid. Ensuite, il continue, le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, et il dit ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه. Et donc le Eid al-Adha, donc le Eid du sacrifice, il va être lié aussi à une autre forme de takbir, qui va être le takbir qui est lié à un moment défini. Donc on a le takbir absolu, le takbir qui n'est pas lié à un moment défini, que tu peux faire à n'importe quel moment, chez toi, quand tu sors de chez toi, etc. Et on va avoir un takbir qui est muqayyad. C'est un takbir qui va être lié à un moment défini. وَهُوَ التَّكْبِيرُ الَّذِي شُرِعَ عَقِبَ كُلِّ صَلَاتٍ فَرِيضَةٍ فِي جَمَاعَةٍ. Et c'est le takbir qui est légiféré à la fin de chaque prière obligatoire en groupe. Et donc pas la prière obligatoire à la maison. La prière obligatoire en groupe. فَيَلْتَفِتُ الْإِمَامُ إِلَى الْمَأْمُومِينَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُكَبِّرُونَ. Et donc l'imam se dirige vers les fidèles. Puis il prône la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et eux ils le font. لِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ. Et donc la preuve de cela est le hadith qui a été rapporté par le Dharqutni, Ibn Abi Shayba et d'autres, du hadith de Jabir radiallahu anhuma, أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر. الحديث. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il priait, lorsqu'il accomplissait la prière du subh, donc le jour de Arafa. Le jour de Arafa, c'est de combien? Combien? Et donc c'est quel jour? Hein? Le 9. Taïeb, on est le combien aujourd'hui? On est le 3, hein? Masha'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après le sobre du jour de Arafah, il disait Allahu Akbar. Et donc, il prononçait le takbir après la prière. Taïeb. وَيَبْدَأُ التَّكْبِيرُ الْمُقَيَّدُ بِأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحْرِمِ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةِ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. Et donc, le takbir qui est donc limité à des moments précis, des moments définis, il commence. le jour, donc ça c'est pour, le, pour celui qui n'est pas muhrim, celui qui n'est pas en état de pèlerinage, il commence le jour de Arafat après la prière du Fajr jusqu'au dernier jour des jours de Tashriq. Donc on a le jour du Eid et les, donc les trois autres jours. Tayyib. Wa amma al-muhrim, en ce qui concerne le muhrim, celui qui est en état de pèlerinage, fayabtadi'u at-takbir al-muqayyadu fi haqqihi min salati adh-dhuhri yawm an-nahri ila 'asri akhir ayyam at-tashriq. Concernant celui qui est en état de pèlerinage, alors cet takbir, il commence pour lui donc après la prière du dhuhr, le jour du sacrifice, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière prière du asr, le dernier jour du tashriq. لِأَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَشْخُولٌ بِالتَّلْبِيَةِ, parce qu'avant cela, il est occupé par التَّلْبِيَةِ. رَوَى الدَّارَقُنِي عَنْ جَابِرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ. Et donc الدَّارَقُنِي rapporte que Jabir radiallahu anhu, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc après la prière du Fajr au jour de Arafat jusqu'à la prière du Asr au dernier jour de Tashriq, et ceci donc après les prières obligatoires. Wa fi lafzin kana idha salla as-subh min ghadat Arafat aqbala ala ashabihi fayaqul makanakum wa yaqulu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Et dans une autre narration, il stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière du subh, il se tournait vers ses compagnons et il leur disait makanakum, restez à vos places. Et ensuite il disait Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Wa qala Allah ta'ala, et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, donc ça c'est toujours Jabir, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit واذكروا الله في ايام معدودات, et faites le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala durant des jours définis. وهي ايام التشريق, et ce sont les jours du tashriq. الامام النووي الحافظ النووي رحمه الله il dit هو الراجح وعليه العمل في الامصار, c'est la vie le plus juste, c'est la vie le plus juste, et c'est ce qui est appliqué de manière majoritaire dans les pays musulmans. Donc le fait que le takbir, il va aller, il commence donc pour celui qui n'est pas en état de sacralisation pour le pèlerinage, le takbir commence pour lui le jour de Arafat après le Fajr jusqu'au dernier jour du Tashriq, jusqu'au dernier jour du Tashriq. Et ça c'est concernant le takbir qui est donc délimité par des moments définis, c'est-à-dire les prières. L'autre takbir, barakallahu fikum, donc nous avons tous les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Et nous avons aussi donc les 2 jours du Eid. Et les 2 jours du Eid. Tayyib. Et donc ensuite le cheikh il nous dit encore le cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. Et donc il dit, nous t'aimions, rahimahullah, la vie le plus juste concernant le takbir, c'est la vie de la majorité des savants parmi les salafs, parmi les pieux prédécesseurs et les fuqara, parmi les compagnons et les imams, les imams de la communauté, qui est que le takbir, il commence donc au fajr du jour de Arafat jusqu'au dernier jour du tashriq, après chaque prière. L'imefis sunan, à cause de ce qui a été cité dans les sunan. Yawm Arafat wa yawm al-nahri wa ayyam mina eeduna ahl al-islam. Et donc le jour de Arafat, le jour du sacrifice, le jour donc de Mina, Et yem ou mina, les jours de mina, excusez-moi, ce sont nos jours du Eid, ô gens de l'islam. Wahia eyem ou aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. Et ce sont des jours de nourriture, de boisson et de rappel d'Allah. Il est interdit de jeûner durant ces jours. Wa kawnul muhrim yabtadi at-takbir al-muqayyad min salat adh-dhuhri yawm an-nahr. Et donc le fait que le musulman, le muhrim, celui qui est en état de sacrifice, il commence le takbir qui est délimité après les prières, après la prière du dhuhr, le jour du sacrifice, wa sifatu at-takbir an yakul. La description du takbir. Le fait que le musulman il va dire Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Ici, le cheikh a cité une description. Il y a aussi plusieurs descriptions qui ont été citées de manière authentique. Le fait de dire trois fois Allahu Akbar, etc. Et donc, le fait de ne pas dire, le fait de ne pas dire Allahu Akbar le même nombre de fois aussi, ça a été rapporté. Et dans tous les cas, donc, à partir du moment où cela a été rapporté de manière authentique, nous pouvons le faire, Inch'Allah ta'ala. Wala ba'sa. بتهنئه الناس بعضهم بعضا بعضهم بعضا بان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك. Il n'y a pas de mal à se féliciter les uns les autres de telle manière que l'un va dire à l'autre تقبل الله منا ومنك, qu'Allah تبارك وتعالى accepte de nous et de toi. قال شيخ الاسلام ابن تيميه قد روي عن طائفه من الصحابه radiyallahu anhum annahum kanu yaf'alunahu. Certes, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit qu'il a été rapporté d'un certain groupe des compagnons qu'il le faisait. Il faisait cela wa rakhasa fihi al-a'imma ka Ahmad wa ghayrihi. Et certes, les savants, ils ont permis cela, le fait de dire taqabbal Allah minna wa minkum. Cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de hadith authentique qui monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sujet, mais en tout cas, il a été rapporté de manière authentique que les compagnons l'ont fait. Wal maqsoud min at-tahni'ati at-tawaddud wa idhar as-surur. Et ce qui est voulu par cela, c'est le fait de montrer l'amour et de montrer la joie, le bonheur. Hein, et ça c'est important en islam, la fraternité, le fait qu'on s'aime. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Les musulmans sont heureux, masha'Allah. Et donc c'est important, les frères, cette fraternité. Préservez cette fraternité qu'il y a entre vous. Éloignez-vous des causes de division. Masha'Allah. Ce jour grandiose est un jour qui montre encore l'importance de l'union en islam. C'est pour cela que les savants, lorsqu'ils mettent en garde contre ceux qui divisent la communauté avec leurs innovations, avec les déviances, ils sont durs avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent diviser cette communauté et l'union fait partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme on le voit clairement durant ce jour du Eid. Les gens de toute la terre, ils sont là à prononcer cette parole Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu vas même dans des pays où les musulmans sont en minorité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Et ils vont fêter le Eid, ils vont se diriger vers la même Qibla. Tu vas voir les musulmans, les pèlerins, avec les mêmes tenues. Tous unis dans cet acte d'adoration, Subhanallah. Ainsi, les autres musulmans dans leur pays, même chose, ils sont unis, ils sont là. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikoum, l'union fait partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et pour l'union, il faut qu'il y ait de l'amour. Et donc, préservez l'amour qu'il y a entre vous. C'est pour ça que le cheikh nous cite ici, ce qui est voulu par cela, taqabbal Allah minna wa mink, c'est at-tawaddud, le fait qu'on s'aime. Le fait qu'on s'aime mutuellement. Et le fait qu'il y ait de la rahma entre nous, de l'union. Ça, c'est un sujet qui n'est vraiment pas à prendre à la légère. Et donc ensuite, il dit قال الإمام أحمد لا أبتدئ به فإن ابتدأني أحد أجبته. L'imam Ahmed, il dit, je ne commence pas à le dire. تقبل الله منا ومنك. Mais si quelqu'un me le dit, alors je lui réponds. Alors ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit وَذَلِكَ لِأَنَّ جَوَابَ التَّحِيَّةِ وَاجِبٌ. Ceci car la réponse à la salutation est obligatoire. La réponse à la salutation est obligatoire. وَأَمَّا الْإِبْتِدَاءُ بِالتَّهْنِئَةِ فَلَيْسَ سُنَّةً مَأْمُورًا بِهَا. En ce qui concerne le fait donc de prononcer la tahni'a premièrement, de commencer à la prononcer, alors ceci n'est pas une sunna qui nous a été ordonnée de faire. وَلَا هُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ. Et ce n'est pas quelque chose qui nous a été interdit. وَلَا بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ فِي التَّهْنِئَةِ. Il n'y a pas de mal à se serrer la main à ce moment-là pour justement augmenter les liens qu'il y a entre les frères. Et nous, on va arrêter là pour cet écrit du Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullahu Ta'ala. On demande à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.